pantalon. Tu fais chier les gens parce qu'ils goûtent de la viande. De la viande. Tu fais marmer tes premiers corps de l'homme. Tu fais croire à tout le monde que tu la gères la drogue. Mais au bout de deux secondes, tu la gères la drogue. Que pour un rien, que pour un rien, Pékin. Que pour un rien, que pour un rien, que pour un rien, parce que tu la vaux bien. Que pour un rien, que pour un rien, Pékin. Que pour un rien, que pour un rien, que pour un rien, c'est notre putain de repas. Que pour un rien, rien, we'll be right back.